sait vite oublier. Il ne faudra plus y compter, pas la peine de le rappeler, pas la peine de courir après. Le voilà débarrassé. Il s'en va sans sourciller dans ses yeux. Pas la peine de courir.